et moi j'ai tout vu. Ils ont voulu ma part et moi j'ai tout su. En ce moment j'ai le cafard, ouais j'suis déçu. Désormais j'serai moins bavard, ils sont foutus. En ce moment c'est fin du, la police ils enquêtent. J'ai pas de boulette dans l'urus, c'est le coup de cher la banquette. Est-ce qu'on fait les salopes, t'inquiète j'les ai en tête. Ici si on te rend un service, c'est qu'on fait entendre. La gadget elle fume du shit, là tout caché dans la chambre. Et ça vend du hashish, en masqué sur Snapchat. J'ai passé l'âge de rouler avec un gog dans la loc. C'est toi qui as la haine, pourquoi tu fais des poussettes aux autres? Dans la Lamborghini, je suis habillé comme un maquis. Ça fait quelques jours, j'ai pas fait chauffer le Kawasaki. Ça parle en Iwasis, tu m'as demandé à Patalaki. Arrête de faire le bisou pour toi, tu crois tu vas la faire à qui? Pour des sous ou pour des femmes, ça fait chanter le AK. Rechercher sa zone avec un pare-balles sous la parka. Tu veux plus qu'on se parle, fais ta vie, je fais la mienne et basta. Pour toutes les prisons, des beaux maîtres d'Ajaccio à Bastia. Faut pas déconner, moi j'ai fait que donner, ça m'a fait que des manières. Est-ce que tu as déjà pensé à qui va téléphoner si t'arrives des galères? Faut pas déconner, moi j'ai fait que donner, ça m'a fait que des manières. Est-ce que tu as déjà pensé à qui va téléphoner si t'arrives des galères? Ils ont fait les bâtards et moi j'ai tout vu. Ils ont voulu ma part et moi j'ai tout su. En ce moment j'ai le cafard, ouais j'suis déçu. Désormais j'serai moins bavard. Foutu. Moi je fais pas la star, je me la pète pas, tu connais l'ovni. Et je m'en bats les couilles de remporter leur cérémonie. Je me sens pisté, oh là ils ont mis le son tout quand il fume trop, il a sa tête elle Johnny. Pour un pas me doubler, gros parent, je fais trop d'albums. Photos c'est trop d'avance, comme son nique et le carbone. On reste un bon, joue pas le numéro uno dans la zone. Je t'aime, je te fais un bisou sur le front, mi corazon. J'ai rêvé que j'étais en bandit sur le jarret. Que je parlais avec des gens qui étaient partis. J'ai fait un cauchemar routier quitte à elle se barrer. Alors que je l'aime et que je m'en fous des gadis. J'ai traversé les tempêtes et les rats de marée. J'ai souffert dans ma vie si je vous l'ai pas dit. Et pardonnez-moi si je me suis égaré. J'ai souffert dans ma vie si je vous l'ai pas dit. Faut pas déconner, moi j'ai fait que donner. Ça m'a fait que des manières. Est-ce que tu as déjà pensé à qui va téléphoner si t'arrives des galères? Faut pas déconner, moi j'ai fait que donner, ça m'a fait que des manières. Est-ce que tu as déjà pensé à qui va téléphoner si t'arrives des galères? Ils ont fait les bâtards et moi j'ai